Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, 1986, une année charnière pour le cinéma québécois. Les cathédrales étaient pleines. Il y a beaucoup de gens qui avaient vendu leur maison pour pouvoir donner tout leur argent aux pauvres. Il y en a d'autres qui faisaient des processions en se flagellant publiquement. Il y en a même qui embrassaient des lépreux, qui léchaient leurs plaies. Moi, ce qui me fascinerait, là, c'est de savoir ce qui est arrivé, disons... Le jouir. Extrait du film « Le déclin de l'Empire américain » réalisé par Denis Arcand en 1986, cette scène où le personnage interprété par Pierre Curzi se fait masturber en entendant parler du millénarisme fait partie des quelques scènes du film dont on se souvient assez spontanément quand on repense au déclin. 1986 est un grand cru pour le cinéma québécois. C'est également cette année-là que prendront l'affiche « Bac et bottine » d'André Melançon, « Pouvoir intime » d'Yves Simoneau et « Anne Tristère » de Léa Paul. Et au-delà de la simple qualité des films dont je viens de parler, c'est ce qu'ils représentent et ce qu'ils ouvrent comme possibilité pour le cinéma québécois qui fait de cette année 1986 une année importante pour notre cinéma national. À quoi sert d'abord ta moufette? Bon, moi, je veux pouvoir avoir des œufs. Nono. Trop nono pour te rendre compte que c'est même pas une poule. C'est pas une poule. C'est un coq. Puis après? Les coqs pondent pas les œufs. C'est ça. Toi, tu connais tout. Ma poule, c'est pas une poule. Mon sapin, c'est pas un sapin. C'est pas parce que tu viens de la campagne que tu es obligé de péter pis que le trou fallait te remplir. Extrait du film et de la musique du film « Bac et bottine » réalisé en 1986 par André Melançon. Pour nous parler de cette année 1986, une année assez exceptionnelle au cinéma québécois, je reçois mon collègue, chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télé, Michel Coulombe. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. C'est vous, Michel Coulombe. Vous avez souvent des idées comme ça. Vous nous dites « Ah, il faudra faire une émission sur tel sujet ». C'est la première fois que vous nous proposez une année au cinéma, au Québec en l'occurrence cette fois-ci. Pourquoi une émission sur l'année 1986 au cinéma québécois? Il y a certainement deux ou trois années marquantes, et on parlera certainement d'autres de ces années dans l'avenir, dans l'histoire du cinéma québécois. 1986, c'est une ligne de partage des eaux. Il y a avant et il y a après. En fait, on avait atteint le fond de la piscine. Ça allait très mal. On cherchait des modes de financement, il y avait un essoufflement, une génération avait peut-être fait le tour de son jardin. Claude Jutras perdait la vie, puisqu'il s'enlevait la vie à ce moment-là, en 1986. Et il représentait, symbolisait le cinéma d'auteur des années 50 au milieu des années 80. Donc, c'était la fin de quelque chose. Les auteurs se cherchaient de nouveaux modèles. Il y avait eu le cinéma érotique, le cinéma familial, et il y a eu aussi ce qu'on a appelé le cinéma de dentiste, c'est-à-dire un cinéma financé à même les abris fiscaux, qui n'avait pas beaucoup d'âme, mais beaucoup d'argent. Tout ça ne fonctionnait plus. On cherchait autre chose. Il y avait des films épars, mais pas une cinématographie continue. Et là est arrivé le déclin de l'Empire américain. Enfin un succès, enfin un film auquel on pouvait s'accrocher pour se dire « Voilà, nous faisons du bon cinéma. Oui. » Et c'est peut-être une des avenues qu'on peut suivre, un des chemins qu'on peut emprunter pour aller vers quelque chose de mieux. Puis il y a eu le déclin, mais il y a eu quelques... C'est ce qui est intéressant. Je le disais au tout début de l'émission, c'est ce qui est intéressant de cette année 86, c'est qu'au-delà des films, bien sûr, c'est des bons films, c'est des films intéressants, les films dont on va parler, mais chacun de ces films-là ouvre sur quelque chose d'autre. C'est ça aussi la force de cette année-là. Oui, chacun des films représente un courant, c'est-à-dire l'ouverture sur un public jeunesse, la place des femmes dans le cinéma, l'ouverture au polar, ça c'est Pouvoir intime, et un cinéma de dialogue, c'est celui de Denis Arcand. On a un peu tout ça à ce moment-là, alors qu'effectivement on est dans une période post-référendaire, toujours au milieu des années 80, où il y a ce flottement des idées, des modèles, de la représentation qu'on peut faire du Québec. Il y a eu un certain misérabilisme, en tout cas un type de cinéma populaire dans les années 70 qui avait cours. Là, on en veut beaucoup moins dans les années 80, donc on cherche autre chose. Toutes ces avenues, Léa Paul, plus internationale, le cinéma de Roch de Merce, c'est-à-dire celui des Contes pour tous, qui nous ouvre effectivement sur un nouveau public, le cinéma d'Yves Simoneau, qui cherche à aller vers des modèles un peu à l'américaine. Tout ça nous amène à chercher autre chose que ce qu'on avait fait jusque-là. Et bien sûr, on y revient d'abord et avant tout cette année-là, le déclin de l'Empire américain. Dans la littérature romaine, par exemple, la notion d'amour conjugal commence à proliférer sous Dioclétien au 3e siècle, au moment où la structure de l'Empire s'effondre. Même phénomène dans l'Europe du 18e siècle, où l'idée rousseauiste de bonheur précède de peu la Révolution française. Et je pose la question paradoxale, cette volonté exacerbée de bonheur individuel que nous observons maintenant dans nos sociétés, n'est-elle pas, en fin de compte, historiquement liée au déclin de l'Empire américain que nous avons maintenant commencé à vivre? Ça va comme ça? Il faudrait que tu m'en fasses 5 minutes de plus. On espérait Milan Kundera, mais il est reparti à Chicago. Faut rallonger tout le reste. Mais oui, mais quoi? Bon, n'importe quoi, désintégration sociale, dégénérescence des élites, the usual. Le déclin de l'Empire américain qui va connaître, Michel Coulombe, un immense succès, succès financier, succès d'estime, succès populaire, succès au Québec, succès à l'étranger. Succès pourquoi? Inattendu. Oui. Pourquoi un tel succès? Ben, un tel succès parce que, bon, d'abord, le lancement fonctionne. C'est lancé à la quinzaine des réalisateurs et le film est accueilli, mais à bras ouverts, par la communauté internationale. Il va effectivement être vendu à 27 pays, un peu partout dans le monde. Bon, là, on va être complètement dépassé par la situation parce que le contrat des réalisateurs québécois prévoyait pas le succès. Mm-hmm. Hein, on faisait des films, bon, ils étaient présentés, c'était tant mieux, on essayait d'en faire un autre, mais bon, le succès, ça veut dire aussi la représentation à l'étranger. Donc, Denis Arcand s'est retrouvé un peu le commis voyageur de son film, bénévole, donc à se promener, c'est beau, mais quand même, à travers le monde pour vendre un film qui a fait des profits considérables. Hein. Ouais. C'est, je crois, autour de 25 millions de dollars de recettes en salle. Bon, il y a plus que ça, bien sûr, que ces recettes en salle, mais donc, tout ça à travers le monde, bon, ben ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'on puisse faire des remakes, par exemple. Or, il y a eu une tentative de remake américain à laquelle a travaillé, contribué Denis Arcand. C'est mort au feuilleton, mais néanmoins, c'est une option, c'est une des possibilités qu'on avait étudiées. Ça non plus, hein, c'est pas quelque chose qu'on imaginait à ce moment-là. Il un succès ouvert. Sans précédent. Il y a quelque chose de nouveau qui sans se passe. Sans précédent, parce que c'est vraiment le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, la critique vous dit que c'est bien. Ouais. Et là, le cinéaste est content, mais le public vous dit que c'est bien aussi. Mm-hmm. Et puis, à l'étranger, on vous dit la même chose. Alors que quand on fait un film, par exemple, comme Deux femmes en or, bon, le public est d'accord, mais la critique rechigne. Et puis, à l'étranger, ben, c'est quand même assez moyen. Là, on a obtenu absolument tout et une reconnaissance des Français. Ouais. Ça, c'est fondamental. Bon, d'une part, parce que notre image a changé. Dans les années 70, l'image du cinéma québécois, et c'est pas que ce sont de mauvais films, mais les films de Gilles Carle, par exemple, présentaient une certaine verdeur. Si on avait Willy Lamotte à l'écran, ben, voilà, ça donnait quelque chose d'une langue populaire, très affirmée, c'était coloré, et ils nous trouvaient, mais vraiment pittoresques. Ouais. Là, on est pas... Ils aimaient ça, c'est ce qu'ils cherchaient. Carle était abonné à Cannes, mais on était encore scotché sur cette image... Pittoresque. Ouais. D'une langue différente, de nos cousins du Canada. Or là, avec le déclin de l'Empire américain, on affirme une chose très simple, nous avons des universités, certains d'entre nous y sont allés, et même on étudie les mêmes auteurs que vous. Ouais. Vous vous rendez compte, on est capable de parler de tous ces sujets-là et c'est pas forcé. Et donc, oui, c'est une histoire de couple au départ, les hommes, les femmes, il y a une recherche sociologique qu'avait fait Denis Arcand, c'est un historien au départ, donc quelqu'un qui a toujours un travail d'historien à sa base. Quand il a fait Le confort et l'indifférence, c'était, mais vraiment, sous le regard de Machiavel, par exemple. Oui, son documentaire sur la campagne référendaire de 80. Exactement. Il y a toujours ça, hein, ce regard de l'histoire qui l'aide à comprendre le présent. C'est là jusque dans ses films. Et qui donne une dimension, qui donne à ce film le déclin... De l'ampleur. Oui. Cette dimension de l'ampleur historique. Et de l'universalité. C'est très clairement ça. Et ces gens-là, donc, s'expriment... Ben, correctement. Ils ne sont pas sous-titrés quand on présente le film en France. De sorte que, pour les Français, par exemple, ben, c'est un renouveau de l'image du cinéma québécois. Il y a plus d'1 million de spectateurs qui verront le film en salle en France. Bien sûr, aussi à la télévision, DVD et tout. Mais quand même, tout ça, ce sera ensuite une pièce de théâtre présentée dans les années 2000 à Paris avec un grand succès où on va adapter le déclin à la culture parisienne. Ouais. Donc, c'est vous dire à quel point c'est adopté. Et moi, j'ai vu des Français dire, vous savez, ce soir, on joue au déclin ah chez bon? Nous. Alors, jouer au déclin, ben, c'est simplement un homme qui va faire la cuisine, la femme qui fait autre chose pendant ce temps-là et qui revient en disant « Qu'est-ce que tu m'as préparé? » Ouais. Pour eux, il y avait une forme de révolution. Notre rapport des hommes avec les femmes était différent, effectivement, de ce qu'on pouvait trouver à ce ouais. moment-là, du moins en France. Donc, le déclin, c'était tout ça. Et puis c'est aussi, Michel, puis il y aura un lien avec le prochain film qu'on va présenter, mais Le déclin, c'est un glissement du cinéma québécois, du cinéma de fiction, vers la production privée, les films de producteurs. C'est ça aussi, Le déclin. Oui, il faut dire que le film a été développé à l'Office national du film du Canada, où on n'avait pas les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire que Denis Arcand a écrit quelque chose d'assez unique, un film de dialogue. On n'est pas dans un cinéma de dialogue au Québec. C'est plutôt autre chose. Hein? Ouais. Il y a plus d'improvisation, je dirais, que de dialogue très écrit. Alors là, c'est très écrit parce que Denis Arcand a écrit auparavant la série Duplessis. Donc, on est sur ce modèle-là. Ça s'appelle d'ailleurs au départ « Conversation scabreuse ». Et comme on se dit que, ben, c'est Roger Frappier qui est à l'ONF, il se dit « Ah tiens, ça a quand même un certain potentiel, il faut, puisque le cadre de l'ONF, c'est $1 million, aller chercher un peu plus d'argent. » Il va vers un producteur privé, René Malo, qui ramasse le morceau production et distribution, il fera effectivement beaucoup d'argent et ça va effectivement donner un pouvoir nouveau aux producteurs qui, là, vont voir qu'il est possible, par exemple, de faire des profits avec certains films. Et toute l'industrie du cinéma privé va commencer à se développer à vitesse grand V. Si Le déclin, c'est un de ses premiers films de producteurs, entre guillemets, au Québec, le prochain film dont on va parler l'est peut-être encore plus, le film Bac et bottine, qui fait partie de la série des Contes pour tous, produite par Roch Demers. Le film Bac et bottine, lui, réalisé par André Melançon. Tu vois, dans Bac et bottine, il y a ce type-là qui a 37-38 ans, un peu fait le vide autour de lui. Il a une passion qui est la musique. Il prépare un concours de bac. Mais il vit un peu comme dans un désert. Il s'est fait une cuirasse un peu. Et à un moment donné, la petite fille va réussir à percer un trou, à faire une brèche dans cette cuirasse. Et pour moi, c'est important. Et elle le fait par sa façon d'agir, par sa vision des choses. Elle le fait aussi parce qu'elle dit. Elle dit des choses, des fois, qui peuvent sembler cruelles, qui peuvent être blessantes pour l'adulte. Mais, maudit, je pense que c'est nécessaire de dire ces choses-là. Je pense qu'il faut que l'enfant apprenne à pouvoir les dire le plus librement possible. Et je pense que l'adulte doit, lui aussi, apprendre à les recevoir, ces choses-là. Comment qu'elle s'appelle? Bérénice. Bérénice! Puis? Ça ressemble à l'église! Extrait du film Bac et bottine, réalisé par André Melançon. Vous entendiez dans cet extrait à l'émission Contre-champ le 5 décembre 1986. Autre film important pour vous en cette année 1986, Bac et bottine, Michel Coulombe. Pourquoi? Bien, déjà, le discours de Roch Demers est assez étonnant. C'est le créateur des Contes pour tous. D'abord, La guerre des tucs, c'est le numéro 1. Celui-ci, le numéro 3, Bac et bottine. Il y en a 26, parfois on dit 24, parfois 27, parce qu'on compte le Martien de Noël, qui est un pré-Contes pour tous. Ça varie, mais donc 20-quelques. Mm-hmm. Et ce troisième-là est tout à fait dans l'esprit de l'idée de Roch Demers, car c'est lui qui a l'idée au départ. Quand il a vu que le premier marchait, il a dit ben, « j'ai des idées pour les 5 suivants mm-hmm. ». Alors, c'est lui donc qui était... Donc, au-delà des réalisateurs, l'âme, l'esprit de cette série-là, c'est Roch Demers. L'idéateur, ouais. c'est Roch Demers. C'est lui qui dit « je veux qu'on alterne des garçons et oui. des filles, des films en anglais, des films en français, des films sans violence, des films qui sont faits ici, des films qui sont faits à l'international, des films qui sont contemporains ». Donc, c'est lui qui a établi la marque, ce que ça voulait dire exactement, un conte pour tous, et qui a dit haut et fort quelque chose qu'on n'avait jamais entendu ici. Il y a une Sainte Trinité qui crée un film. Il y a le producteur, il y a le réalisateur, il y a le scénariste. Je dis là, ça peut être là. Mais effectivement, trois personnes sont les créateurs du film. Donc, le producteur à égalité avec le sacro-saint réalisateur, hein, qui jusque-là était la force dominante du cinéma québécois. Producteur, réalisateur, scénariste sont donc les auteurs conjoints d'un film. Ça, c'est une révolution. Et puis, ça va établir Bac et bottine, à la différence de La guerre des tucs, un vedettariat. Dans les années 80, il y a un début de vedettariat enfant. Il y aura eu Guillaume Lemaitre-Vierge, oui. par le Matou, et là, Maë Paiement, qui est la vedette, effectivement, de Bac et Bottine, qui deviendra effectivement quelqu'un de connu, on va dire connu aussi en URSS, si vous voulez, parce que le film, selon Roch de Merce, aurait eu un tel succès en URSS que 3000 salles l'auraient présenté, 40 millions de spectateurs l'auraient vu. Attendez, en salle. 40 millions. C'est ce que dit Roch de Merce. C'est considérable. Ce serait le plus grand succès en salle d'un film québécois. Néanmoins, au Québec, plus de 200 000 spectateurs à sa première sortie, parce qu'évidemment, ces films-là rebondissent constamment, ceux des Contes pour tous. Et ce sera, les années 80, la grande période des Contes pour tous. Ce que ça fait, très exactement, c'est construire un public pour l'avenir. Ouais. C'est l'idée qu'en a Roch de Merce, et il deviendra comme ça le Disney du Nord, puisque c'est de cette façon qu'on le qualifie. Il faudrait le forcer à sortir. Ce que Yves a apporté au cinéma québécois, c'est un nouveau rythme. C'est un nouveau rythme, c'est une nouvelle écriture au lieu d'une nouvelle écriture cinématographique. Moi, je trouve qu'au cinéma québécois, l'écriture est très linéaire, on suit une histoire. Yves essaie de briser ça, surtout au niveau de l'image. Je pense que les jeunes, les 15-35, doivent se reconnaître dans ce genre de cinéma-là parce que ça leur parle. C'est au rythme de leur pensée. Ça va très vite. Le cinéma d'Yves est comme lui. Il va vite. C'est un cinéma qui est curieux, qui est avide de plans, qui est avide de sensations. L'actrice Marie Tifo, à propos du cinéma d'Yves Simoneau à l'émission Contre-champ le 5 décembre 1986, Pouvoir intime, film d'Yves Simoneau, polar, il y en avait, film de genre, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Il n'y en avait pas du tout à ce moment-là. Et donc, Yves Simoneau est un précurseur. Précurseur aussi parce que son cinéma va l'amener d'abord au Canada anglais, ensuite aux États-Unis. Ben, c'est un chemin que prendront, par exemple, Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve. Donc, de ce côté-là, effectivement, c'est quelqu'un qui ouvrira la voie. C'était pas vu de la même façon à l'époque. Qu'aujourd'hui. Et donc, quelqu'un qui s'entoure d'acteurs... Plutôt mal vu à l'époque, en fait. Plutôt mal vu, en fait, parce que Francis Minkiewicz, par exemple, et Claude Jutras, dans les années 80, sont allés travailler au Canada anglais. C'était vu comme une disgrâce. Ouais. C'est-à-dire, c'était pas parce que le Canada anglais, c'était pas bien. Mais si on faisait ça, c'est parce qu'on n'avait pas de travail ici et qu'on était à la dernière extrémité. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on perçoit le rayonnement international comme quelque chose de très positif. À l'époque, travailler pour la télévision, c'était pas si bien. Travailler à l'étranger, bon, c'est quelque chose qu'on faisait par défaut. Yves Simoneau, quelqu'un qui avait de l'ambition, qui a repris les codes du cinéma de genre, qui savait s'entourer d'acteurs. Oui. Il va le faire avec Dans le ventre du dragon, par exemple. Plus tard, il avait une troupe autour de lui. Et Marie Tifo et Pierre Curzi, qui sont tous les deux donc, des acteurs principaux de ce film, sont les acteurs québécois des années 80. Oui. En fait, si vous êtes dans les années 80, vous voyez une fête du cinéma québécois. Moi, je suis allé à plusieurs d'entre elles. Il y avait des réalisateurs, des monteurs, des techniciens de toutes sortes, des producteurs, des critiques, des directeur de festival, aucun acteur, sauf Marie Tifo et Pierre Curzi. Ouais. Ils étaient effectivement l'image du cinéma québécois. Mais ça commence à ce moment-là. Autant vous disiez qu'avec Roch de Merce et Les Contes pour tous, on a développé un vedettariat chez les acteurs enfants. Autant, c'est dans les années 80, avec le déclin, avec Pouvoir intime, les Curzi, Rémi Girard, Yves Jacques, il commence à y avoir une petite communauté d'acteurs de cinéma. Là. D'acteurs qui peuvent espérer effectivement faire carrière au cinéma. Et ça, jusque-là, bon, c'était pas quelque chose d'imaginable. On reprenait les vedettes de la télévision, c'était normal. Les vedettes de la chanson, c'était aussi une chose naturelle parce qu'on avait besoin d'un certain vedettariat. À partir de là, on va construire un vedettariat cinématographique. Ce qui ne veut pas dire que les acteurs seront cantonnés au cinéma, mais on les associera, ce qui est le cas de Rémi Girard ou de Marie Tifo, par exemple. Ouais. On va les associer de façon définitive au cinéma, comme on le fera par la suite avec, disons, Roy Dupuis ou Pascal Bussière. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite. Elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mets. On dit toujours qu'on fait, qu'on écrit toujours le même livre ou on fait toujours le même film. Je pense qu'il y a des choses qui vont revenir dans tous mes films. En tout cas, jusqu'à maintenant que je me rends compte qu'ils reviennent, c'est pas tout à fait conscient non plus. Comme le thème de la recherche d'identité, la ville, l'exil. La folie, il y a toujours quelqu'un qui est sur le bord, il y a toujours des instituts psychiatriques, ou en tout cas des hôpitaux psychiatriques, il y a toujours l'errance dans une ville, il y a toujours une identité, une quête d'identité, toujours un manque d'amour, une recherche de l'amour, du disons, la création, une démarche de création. À nouveau un extrait de l'émission Contre-champ du 5 décembre 1986 sur la chanson « Je t'écris de la main gauche » qu'a popularisé le film Anne Tristère de Léa Paul. Vous entendiez justement Léa Paul. Année importante, donc, avec ce film-là, Anne Tristère, pour les femmes. Année importante dans le cinéma québécois pour les femmes aussi. Pourquoi, Michel Coulon? Léa Paul est une cinéaste qui va changer notre perception probablement du cinéma des femmes. C'est-à-dire qu'elle va faire des films où il est question de toutes ces choses dont elle parlait tout à l'heure, là. L'exil, l'errance, tout ça. Mais elle ne fait pas des films sur des sujets. C'est là. C'est pas un film, par exemple, « Mourir à tue-tête » d'Anne-Claire Poirier, qui est une cinéaste qui avait aussi une expérience documentaire, était donc un film qui parlait du viol, ouais. « Mourir à tue-tête ». Là, c'est pas des films à sujet. C'est des films à inspiration qui viennent de sa vie, dans ce cas-ci d'un livre aussi. Donc, elle parle d'identité sexuelle, elle parle de l'étranger parce qu'elle est d'origine suisse, elle est tournée vers l'étranger. Elle va faire des films métissés, hein, où il y a des acteurs européens, des acteurs québécois, des films donc, dont l'identité est beaucoup plus floue que celle très carrée des films québécois jusque-là, et des films qui auront une percée particulière dans les festivals de films de femmes à l'étranger, et qui vont donc établir des acteurs là aussi, puisque Louise Marleau était dans La femme de l'hôtel, est encore la vedette d'Anne Tristère, aux côtés d'Alban Gill et d'autres acteurs européens. C'est déjà la fin de l'émission, Michel Coulombe. Ce grand brassage de 1986 au cinéma québécois, qu'est-ce que ça a donné concrètement pour la suite des choses? Ça a fait que l'année d'après, après le déclin de l'Empire américain, Jean-Claude Lauzon est allé à Cannes avec Un zoo la nuit, convaincu que le succès international l'attendait, car c'était légitime. Ouais. Avant le déclin, il n'aurait jamais pensé ça. Ça fait que des acteurs importants du cinéma québécois ont pu effectivement essaimer à l'étranger, hein, faire carrière, Yves Jacques, par exemple, et ça, c'est pas rien. Ça fait que des réalisateurs ont eu une carrière durable, comme Denis Arcand, qui jusque-là était quand même un peu découragé, et il a construit quelque chose avec Les Invasions barbares, Jésus de Montréal et compagnie. Mais des producteurs ont pris beaucoup d'importance dans le milieu, c'est-à-dire que la production s'est structurée, et Roger Frappier et Roch de Merce sont devenus des voix fortes du cinéma québécois quand on voulait savoir... De talent. Oui, mais quand on voulait savoir comment ça allait dans le cinéma québécois, c'est à eux qu'on demandait. Jusque-là, c'était inimaginable. Et ça va ouvrir la voie à un cinéma plus populaire, parce que la fin des années 80, ce sera le début du grand cycle de la comédie avec Cruising Bar. Donc, notre difficulté à aller vers un cinéma qui tente de rejoindre un public très large va peut-être se décorseter à ce moment-là, parce qu'on va s'ouvrir vers le public, parce qu'on a compris qu'on peut faire du cinéma de qualité qui rejoint un grand public. C'est le cas du déclin, c'est le cas de Pouvoir intime. Vous voyez qu'effectivement, il y a une ligne de partage des eaux. À partir de là, on est un peu plus fiers, et c'est ce qu'on sentait en 1986, de faire et d'avoir un cinéma québécois. Michel Coulombe, c'était fascinant. Merci, Michel. Au revoir. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.